Je viens à toi comme un enfant en criant à ma père. Tu tends les bras et tendrement sur ton cœur tu me serres. Jésus, Jésus, couvert par ta grâce. Jésus, Jésus, mon péché s'efface. Je viens à toi, je suis confiant, tu me reçois, Seigneur. Je m'abandonne entièrement et je t'ouvre mon cœur. Jésus, Jésus, agneau éternel. Jésus, Jésus, tu m'ouvres le ciel. J'entre avec toi dans la demeure, dans la joie de mon maître. Tu me conduis, toi mon Seigneur, par la main jusqu'au Père. Jésus, Jésus, agneau éternel. Jésus, Jésus, tu m'ouvres le ciel. Jésus, Jésus, agneau éternel. Jésus, Jésus, tu m'ouvres le ciel.